Samedi 12 avril 2014, c'est l'heure du grain de sable. Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable. Il nous fait plaisir de revenir après une pause d'une semaine, mais c'était pour une très bonne cause, le Radiothon de CKRL. On a atteint notre objectif cette année, on en est bien content. Cette semaine, notre émission a été courtée d'une demi-heure parce que il y a eu avant, comme vous le saviez, vous étiez en ondes, chers auditeurs, le Salon du Livre, une autre belle initiative de CKRL. Et cette semaine, je vais être votre animatrice, mon nom est Michel Monette. Le grain de sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Donc, c'est une version écourtée cette semaine. Du grain de sable. Bonjour, Nicole Moreau. Bonjour, Michel. Alors, Nicole, on va y aller rapidement parce que, justement, on a à peine une demi-heure pour... Mm-hmm. On a toujours beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, au grain de sable, mais bon... Tout à fait. Cette semaine, vous allez vous entretenir avec deux invités. Peut-être rapidement nous dire avec qui vous allez vous entretenir. Alors, dans un premier temps, je vais parler avec Mme Suzy Bouchard, qui travaille aux ateliers TAC. En fait, c'est une entreprise de travail adapté. Et dans un deuxième temps, je vais parler avec Jérôme Métivier, qui est le responsable ou le coordonnateur de l'entente spécifique sur l'intégration sociale des personnes vivant en HLM. Merci, Nicole. De mon côté, Michael Lessard étant absent cette semaine, je vais vous présenter quelques-uns des événements à surveiller cette semaine dans la région de Québec. On va faire une brève pause, très brève pause musicale, et on va revenir avec la première des deux entrevues. D'accord. C'était trop bref, c'était Zarda du groupe Golem, un groupe que j'aime beaucoup, un groupe des Balkans. Nicole, je vous laisse avec votre première invitée. Alors, bonjour Madame Bouchard. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Vous travaillez aux ateliers TAC, une entreprise de travail adapté de Québec. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire, une telle entreprise? TAC, c'est une entreprise où ce qu'il y a où on est du personnel handicapé, où ce qui ça va être des personnes intellectuelles, psychiques, physiques, où on est environ 75% de l'entreprise qui est du personnel handicapé. Il y a quand même des personnes ordinaires qui travaillent avec nous, mais on a au moins un pourcentage de 75% de personnel handicapé. OK. Toutes sortes de handicaps sortes pour handicaps. Les trois quarts des travailleurs. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi les avantages de la formule pour les gens qui y travaillent? La formule, c'est que ce sont à 90%, c'était tous des gens qui étaient sous l'aide sociale ou que des fois, ça peut être des échecs sur le marché régulier du travail où ça n'a pas fonctionné, où ces gens-là se retrouvent chez nous, où on travaille là, tout ensemble là, avec tout chacun, nos différents. Là, Donc, c'est un milieu où tout le monde travaille ensemble dans la collaboration et d'une façon un peu différente d'une entreprise du marché régulier de travail. C'est oui. Ce que je comprends? Oui, parce que TAC de l'extérieur paraît une compagnie ordinaire, normale, mais c'est quand on rentre à l'intérieur où c'est peut-être un petit peu différent, mais où on arrive à tout faire ce que le client veut. C'est ça qui est important probablement et pour vous, pour la survie de l'entreprise et pour les clients. Oui. Oui. OK. Et quels sont les services offerts par les ateliers TAC? Les services offerts, on a pharmaceutique, on a alimentaire. Ça veut dire quoi, pharmaceutique, alimentaire? Pharmaceutique, bien, on a des produits où est-ce qu'on va, des petites bouteilles comme, disons, énergétiques ou, je sais pas, on fait affaire avec une compagnie où c'est des vitamines vous... C ou tout ça. Fait qu'à ce moment-là, on va faire l'emballage de ces choses-là. Il va y avoir la date qui va être imprimée sur la boîte avec l'expiration. Okay. Ça va être emballé, ça va être mis en boîte. Donc, vous faites de l'emballage pour des services pharmaceutiques, ouais, des services alimentaires. De tri de courrier, du montage de cartables. Ça peut être du pré-assemblage pour des documents. Ça peut être de l'ensachage des documents, des revues. On fait aussi de la préparation postale. On fait de l'insertion en enveloppe. Ça peut être aussi au niveau de la reliure, des revues bon, qui sont reliées, qui sont quand même toutes pliées aussi au niveau des plieuses. Puis le livre se fait chez nous. Là. Mm-hmm. Les documents arrivent imprimés de l'imprimeur. Mm-hmm. Nous, on plie puis on relie. D'accord. Alors, ça fait quand même pas mal de oui, services différents et pas mal de types de clients différents. Oui. OK. Vous êtes, donc, les secteurs, il y en a plusieurs, comme vous avez dit. Si j'ai bien saisi, vous en avez plusieurs du secteur public, mais vous en avez aussi beaucoup du secteur privé. Oui. Les clients sont-ils satisfaits des productions des ateliers TAC? Selon moi, oui, parce que je peux dire qu'il y en a. Moi, ça fait 30 ans que je suis chez TAC, puis j'ai des clients qu'on sert peut-être depuis 25 ans, que moi, je fais au moins un minimum depuis 25 ans, là, facilement, là. Hein, puis c'est sûr qu'il y en a toujours des nouveaux aussi qui s'ajoutent, là, mais... D'accord. Vous êtes combien chez TAC? On est environ 200 employés avec le personnel cadre. Fait que s'il y a le personnel au niveau du plancher, là, avec... il fait au moins 200 payes là, par semaine, là, facilement là, chez TAC, avec un chiffre de jour et un chiffre de soir aussi. Là, pour, D'accord. Oui. Il y a du monde qui travaille sur... Le chiffre de jour et le chiffre de soir. Le chiffre de soir, c'est de 4h à minuit? À 11h30. Ah, OK. Mm-hmm. Alors, et j'imagine que les gens vont se rendre là... à la fois par autobus ou par... par leur transport ou... par le transport adapté. Oui, le transport adapté où il y en a qui ont des autos aussi. Là. D'accord. Mm. Est-ce que j'ai vu sur votre site Internet que vous êtes... pas vous comme personne, mais les ateliers TAC, vous êtes certifié ISO 9001. Est-ce que ça a aidé au recrutement de la clientèle, d'après vous? Ben, peut-être pour les nouveaux, peut-être, mais les anciens qui, avant, n'avaient pas ISO, je pense pas, parce qu'à un moment donné, même si on n'aurait pas ISO, on travaille toujours pour une qualité pour le travail, que ça sorte avec une qualité A1, là, en tout cas, moi, que je trouve. Là, pour que tous les gens soient satisfaits du travail fait. Oui, oui, oui, c'est et toujours. Et vos clients et les personnels. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Et donc, ça pas vraiment changé quelque chose pour les 200 travailleurs des ateliers TAC? Non, parce que tu sais, on a toujours fait en sorte que la qualité sorte à l'eau de bout. Okay. Elle sortait avant, elle sort après, là, ISO aussi. Là. OK. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le contenu de leur emploi? Non, non j'imagine, non, comme tout. Vous dites. Non. Si on en venait à vous, qui avez gagné un prix récemment lors de la soirée de reconnaissance de l'économie sociale des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, soit le prix d'un parcours exceptionnel d'insertion professionnelle, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Ça s'est déroulé avec la semaine de l'économie sociale, parce que nous, on est en entreprise sans but lucratif, mm-hmm. Et... il y avait des inscriptions au niveau de 5 catégories. Moi, on m'a inscrit dans la catégorie des déterminés. Pour tout mon cheminement que j'ai fait depuis 30 ans, que disons, j'ai commencé à la base, j'ai été chef d'équipe, contremaître senior. Fait que c'est ça qui a fait en sorte là, que à l'autre bout, durant la soirée, Donc, il y avait 14, pardon? Vous êtes partie vous étiez une personne qui se cherchait un poste sur le marché du travail, oui. Avec une certaine difficulté compte tenu que vous êtes une personne qui a un certain handicap. Oui. Et là, vous avez commencé à travailler, puis... À la base, et après, vous êtes devenu contremaître. Vous avez, si je me rappelle bien de ce que vous m'avez dit tantôt, au moins 60 personnes. Ben, minimum, mais il y en a plus que ça, parce que je suis pas toute seule quand même, qui est contremaître. Non. Mais ça varie tout le temps, là. D'accord. Tout dépendant des contrats qu'on a, là. Oui, puis de la complexité de la chose réaliser. Oui, oui. Donc, vous connaissez les compétences des gens qui travaillent avec vous pour être en mesure de les affecter sur les tâches dans lesquelles ils seraient les plus habiles. Oui, puis on prend toujours aussi, même si les gens, des fois, je ne serais pas capable, on trouve toujours un petit truc, tu vas y arriver, puis on va y arriver ensemble, puis à la fin, c'est vrai, j'étais capable, en fin de compte. OK, un encouragement pour essayer de s'améliorer, puis dans le fond, les gens s'améliorent. Oui, puis on prend des petits trucs, puis tu sais, on arrive à l'autre bout à faire un bon travail, puis de qualité, là. Puis que les gens aussi se sentent... j'ai été capable de le faire aussi. D'accord. Là, alors, donc, si on en revient à comment vous avez été nommé avec un parcours d'une personne déterminée, c'était quoi les critères de sélection? C'est quoi les grandes étapes? Ben, c'est quoi les grandes... C'était que moi, je donne... Oui, allez-y. Que je faisais travailler les gens. Je donnais la chance aux gens de travailler, mais pour chez TAC, là. Oui. Mais moi, dans le fond, on me donnait autant la chance à moi, là, de... D'accord. Donc, c'est votre employeur qui vous a inscrit. Oui. Et c'est le comité avec les pôles de Québec et de qui ont... choisi parmi de Chaudière Palace qui ont choisi parmi ceux qui avaient eu leur candidature, ils vous ont choisi. Oui. Donc on est à veille de finir Madame Bouchard, je pense que vous avez dû être très très agréablement surprise lors de cette soirée-là et Oui, j'étais très, très surprise. Émue. Émue, parce que comme je vous dis, je donne la chance aux gens de travailler puis d'arriver à travailler. Mais moi aussi, on m'a donné la chance. On a eu confiance en moi aussi. Là, dans OK. Bien, je vous félicite, moi aussi. Et c'est dommage, mais c'est tout le temps qu'on avait à l'émission avec vous. Je trouve effectivement que vous avez surmonté beaucoup d'étapes et c'est signe d'un grand courage. Je vous remercie. Au revoir. Bye. très inspirante, Mme Savard, Nicole. Bouchard. Mme Bouchard, pardon. Je ne sais pas pourquoi, depuis tantôt, je dis Mme Savard. C'est des choses qui arrivent. Oui. D'ailleurs, quand elle est arrivée, je l'ai appelée Mme Savard. Très inspirante et je lui disais au début de l'émission qu'on utilisait ses services là où je travaille et on est extrêmement satisfait. Il y a Jérôme Métivier qui est au bout de la ligne. Nicole. Bonjour, M. Métivier. Bonjour, Mme Moreau. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Merci, et vous? Oui. Alors, M. Métivier, je vous ai contacté parce que vous êtes le coordonnateur de l'entente spécifique sur le soutien communautaire en logement social et communautaire de la région Chaudière-Appalaches pour la période 2013-2016. C'est la deuxième entente de ce type pour la région. Je pense qu'il y en a eu une autre précédemment. En effet, une première entente couvrait la période 2008-2011. Elle avait été conclue là, suite à un portrait là, de la direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches concernant les besoins qu'il y avait dans les HLM, c'est les habitations à loyer modique. Puis dans le fond, par la suite, là, cette entente-là, elle avait déjà été prolongée pendant un an. Puis maintenant, bon, pour 2013-2016, là, on vient de signer une nouvelle entente qui se base là, sur l'évaluation de la première là, pour avoir de nouveaux objectifs, de nouveaux moyens de partenaires là, pour combler les besoins des gens qui vivent dans ces habitations-là. Cette nouvelle entente-ci comprend les HLM, mais aussi les coops et les OBNL d'habitation. D'accord. Alors, vous avez parlé d'entente spécifique. Pourriez-vous expliquer rapidement ce que c'est qu'une entente spécifique et donner des exemples de partenaires qui sont engagés dans cette entente-là? Tout à fait. Dans le fond, une entente spécifique, c'est un outil qui est à la disposition de la Conférence régionale des élus. Dans le fond, c'est pour mettre en œuvre là, des priorités qui sont régionales ou pour adapter là, des normes et des programmes gouvernementaux aux particularités de la région. Puis, dans le fond, une entente spécifique, dans le fond, c'est un contrat qui associe là, la CRE à différents ministères ou organismes là, de la région pour mener à bien là, un projet ou une priorité. Dans le fond, essentiellement, ça permet de renforcer le partenariat entre les organismes là, locaux, municipaux, régionaux et gouvernementaux. Dans le cas qui nous concerne, là, à l'entente spécifique en soutien communautaire, on a 21 partenaires là, qui sont réunis au sein de cette entente-là. Il y a le ministère des Affaires municipales, des régions, l'occupation du territoire, ce qu'on appelle le MAMRO, le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale, la Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches, la Société d'habitation du Québec, il y a également l'Agence de santé et de services sociaux, le Forum jeunesse régional en Chaudière-Appalaches, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, les 5 centres de santé et de services sociaux, les C3S là, qu'on appelle, les 4 commissions scolaires de la région, et également là, les fédérations régionales d'OBNL, de coop d'habitation et le regroupement des offices d'habitation du D'accord. Québec et l'inter-CDC de Chaudière-Appalaches. OK. Cette entente-là, d'après ce que j'ai vu, vise à favoriser une plus grande participation sociale et citoyenne des personnes qui habitent les logements sociaux, aussi bien les HLM que les coop ou les OBNL, je pense, hein? C'est en plein ça. Dans le fond, on a des intervenants là, qui vont aller appuyer les locataires dans tout ce qu'on appelle, nous, la participation sociale. Donc, le fait là, d'avoir une association de locataires qui se réunit ensemble, qui ont une vie associative, donc qui peuvent mener des projets ensemble, qui peuvent travailler sur le bon voisinage et participer également là, au CA de l'OMH, au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation là, qui gère les logements dans lesquels ils sont. Donc, si je comprends bien, ça veut dire aussi bien favoriser le développement des compétences des locataires, mais aussi sensibiliser la communauté aux réalités vécues par les locataires de ce type d'habitation-là, et peut-être expérimenter de nouvelles approches d'intervention au développement des communautés. Est-ce que je me trompe? Non, du tout. Dans le fond, les intervenants qui vont appuyer les locataires vont aussi là, justement les accompagner dans la réalisation de projets, dans le fond, qui sont déterminés par les locataires. Puis ça peut être des projets de formation, ça peut être des projets de réinsertion en emploi. Puis ça peut être aussi des projets pour lutter contre les préjugés, donc informer la population là, des réalités qui leur sont propres et lutter là, pour les préjugés qu'on peut avoir envers là, les gens qui restent dans ce type d'habitation-là. OK. Donc, l'approche retenue, si je vous lis bien, est double, individualisée et collective. Ça signifie que les projets qui seront réalisés dans le cadre de l'entente en tiendront compte. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de tels projets? Oui, ben dans le fond, dans l'approche individualisée, on comprend que ça peut être là des relations d'aide, de la référence vers les services, mais l'approche collective, dans le fond, c'est des projets qui sont définis par les locataires. Donc, c'est dans ceux qui seront réalisés cette année, là, c'est vraiment les locataires qui vont les définir. Je peux vous donner des exemples qui se sont passés dans le passé. Dans le fond, il y avait des projets d'activités de loisirs, de socialisation, ça peut être sur la mise sur pied de formation. L'organisation de transport collectif ou même des systèmes d'échange de biens ou de services. Ah, OK, du troc. Oui, ça peut être une forme de troc, en effet, qui s'organise là, à l'intérieur du logement. Donc, mais, par exemple, des vêtements qui ne font plus, là, qu'on peut faire un troc contre d'autres types de vêtements, etc., ou des biens là, plus matériels aussi, là. OK. Ou des services comme je garde tes petits et tu vas peinturer à ma place. En plein ça, oui. D'accord. Il y a un système oui, qui se sont organisés de cette façon-là. OK. Donc, de l'entraide, dans le fond. En dernier, M. Métivier, je pense que le Forum Jeunesse de la région est partenaire de cette entente. Les jeunes, oui. Donc, les jeunes de moins de 35 ans, ils représenteront un groupe cible important. Est-ce que des projets particuliers devraient leur être destinés? Et puis, oui, ben, si oui, est-ce que vous pouvez évoquer la visée de ces projets de façon générale ou succincte? Oui, ben, dans le fond, la contribution du Forum Jeunesse de notre région vise à mieux répondre, à mieux rejoindre les jeunes et leurs familles. Dans le fond, l'évaluation de la première entente démontrait que le contact avec cette clientèle-là avait été plus difficile en raison notamment là, de la configuration physique des immeubles qui abritaient les familles. Donc, le projet majeur qu'on met de l'avant là, avec le forum, la contribution du forum, c'est l'ajout de travailleurs de proximité ayant comme mission de faire contact avec les familles et développer un lien de confiance pour les soutenir là, dans leur participation sociale. L'équivalent de travailleurs de rue, mais à l'intérieur des établissements ou enfin des édifices de logement. Oui, c'est un peu c'est ce qu'on appelle, merci, nous, les travailleurs de proximité. Il y a du travail de proximité et du travail de rue. Il y en a qui sont du travail de milieu. Là, on se situe un peu entre les deux. Mais vous avez raison, là, c'est l'ajout de ce type de travailleurs-là qui vont être dans les immeubles, qui vont être aux alentours des immeubles là, pour créer le contact là, avec les familles qui n'ont pas nécessairement là, de salles communes comme c'est le cas là, avec des HLM pour des personnes aînées, par exemple. Donc, ça va être peut-être en marchant à poussette avec les parents, puis en discutant avec eux, qui vont pouvoir établir un contact. C'est malheureusement tout le temps qui nous était imparti, M. Métivier, mais c'est une expérience drôlement intéressante et sans doute extrêmement profitable aux communautés et aux gens concernés. Je vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir. Et oui, c'était très intéressant, effectivement, Nicole. Comme tous vos invités, d'ailleurs, c'est toujours fort intéressant. On aimerait parfois effectivement que l'entrevue puisse se poursuivre, mais c'est le temps dont on dispose à l'émission. Tout à fait. Je vais très très rapidement vous indiquer quelques activités progressistes dans la région de Québec cette semaine. Aujourd'hui, le 12 avril, à l'Union de tous les pays, unissons-nous. Ça, c'est une table ronde. C'est au Musée national des beaux-arts du Québec. C'est à 14 heures. C'est de 14 heures à 16 heures. Ce sont donc des discussions sur l'aliénation. Ça va être quelque chose de vraiment bien. Sinon, le 13 avril à 15h, Université Laval, au pavillon Alphonse Desjardins, Filles créatives, c'est un spectacle. C'est le YWCA, c'est les femmes, le programme Filles créatives du centre Filles du YWCA qui prépare tout un spectacle qui va avoir lieu à l'Université Laval. Le 14 avril à 19h, toujours à l'Université Laval, pavillon Alphonse Desjardins, amphithéâtre Hydro-Québec, Scarlet Road, au-delà des handicaps, le droit à l'expression sexuelle. C'est Cinéma Politica à l'Université Laval. Et peut-être une dernière, Voix du silence, c'est un spectacle d'appui aux enfants brisés des pensionnats. C'est au cégep Lévis-Lauzon. C'est à l'auditorium du cégep Lévis-Lauzon. C'est au 205 Monseigneur Bourget à Lévis. C'est le 16 avril à 9h30. Il y en aurait d'autres, mais vous pouvez vous rendre sur réseauforum.org, /grille-d'union calendrier, pour voir l'ensemble des activités qui sont disponibles, qui sont présentées dans la région de Québec. Cette semaine, c'est ainsi que s'achève l'émission Le Grain de Sable. Merci à Nicole Moreau et à ses invités, Suzy Bouchard des ateliers TAC et Jérôme Métivier, coordonnateur de l'entente spécifique sur le soutien communautaire en logement social et communautaire dans la région de la Chaudière-Appalaches pour la période 2013-2016. Et je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL, sinon sur Le Grain de Sable, qc.wordpress.com, où vous trouverez les archives audio du Grain de Sable. Je vous laisse, les geeks contre-attaque suit après la pause publicitaire. À la semaine prochaine. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.